L'équipage, si joyeux au départ, si confiant au début, maintenant vaincu et découragé, reprenait le chemin de l'Europe. Plus de communications incessantes entre les passagers. Chacun se tenait à l'écart. Paganel, lui qui au besoin eût inventé l'espérance, Paganel demeurait morne et silencieux. Cependant, il y avait d'abord un homme qui pouvait dire le dernier mot de cette catastrophe et dont le silence se prolongeait. C'était Ayrton. Plusieurs fois, Glenarvan renouvela ses tentatives près du quartier maître. Promesses et menaces furent inutiles. Lady Helena, voyant l'insuccès de son mari, lui demanda la permission de lutter à son tour contre l'obstination du quartier maître. Ce jour-là, 5 mars, Ayrton fut amené dans l'appartement de Lady Helena. Mary Grant dut assister à l'entretien. Pendant une heure, les deux femmes restèrent enfermées avec le quartier maître du Britannia, mais rien ne transpira de leur entretien. Lady Helena, le lendemain, alla elle-même à la cabine d'Ayrton. Après 2 longues heures, lorsque Lady Helena sortit, ses traits respiraient la confiance. « Il a parlé ?» demanda Glenarvan. « Non, » répondit Lady Helena, « mais cédant à mes prières, Ayrton désire vous voir. »« Avez-vous fait quelques promesses que je dois ratifier ?»« Une seule, mon ami, c'est que vous vous emploierez tout votre crédit à adoucir le sort réservé à ce malheureux. » Et le quartier maître fut conduit au carré où l'attendait Lord Glenarvan.